Començar a ser trebol, sentir dans le cœur, ça devient mouvement partout le corps. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de africain. La salsa es un ritmo contagio que lo disfruta todo el mundo, para bailar, para gozar. Dans la salsa il y a été mélangé beaucoup de rythmes, le merengue, son, il y a tout ça que devient la salsa. La samba, le merengue, el son, el flamenco. Se disfruta mucho en grupo, carnaval, tipo los carnavales del Brasil, Cuba. Tú empiezas a bailar desde las 8 de la mañana hasta el otro día a las 8 de la mañana. Continúa tomando, festejando con tus amigos, con tu esposa, con tus amistades queridas. Se disfruta mucho. La orquesta de UDB, Pablito FG, Ramita Social Club, Omar Portuondo, Compay Segundo. Ciao Burundi, io mi chiamo Valeria, per gli amici Mumu. Je m'appelle Valeria pour les amis Moumou. Je suis italienne, je viens de Naples, mais ma deuxième maison c'est ici au Burundi et ma troisième c'est la radio Isanganiro. J'écoute toujours la transmission salsa de Christian Xavier, elle est super. Ciao, bisous. Ciao, bisous Moumou. Voilà, elle est Mzoumou Mouaoussi, elle est de Napoli, au sud de l'Italie, elle a été ici au Burundi, c'est sa deuxième maison. La radio Isanganiro c'est sa troisième maison. Voilà, ciao, bisous. Elle est à l'écoute sur www.isanganiro.org, la radio Isanganiro. Une radio que d'autres radios écoutent. Voilà. La salsa es una sauce disfruta mucho. Tipo carnaval do Brasil a todo mundo que escucha l'émission spéciale salsa. Je dis bonjour. Voilà. On commence par le commencement. Mitebotsi est à l'écoute, plutôt et de l'autre côté de la vitrine pour assurer la mise en onde. Bien sûr qu'il est à l'écoute, c'est évidence, puisqu'on ne peut pas assurer la mise en onde sans être à l'écoute. Voilà. Alors, une chose, il y a un groupe qu'on appelle Exode. Reçois l'adoration. Ce groupe va venir à Bujumbura. Tu le savais? Tu ne savais pas? Ça sera un grand événement. Que notre ami qui va nous chanter une chanson tout de suite qui sonne latino-americana, c'est bien sûr qui? Fortran. Il va nous jouer une chanson que vous connaissez très très bien et que vous avez eu l'occasion de danser dans les différents spectacles organisés par lui-même. Il y aura un grand spectacle dans les jours à venir. Donc, on va chanter « Reçois l'adoration ». Ça sera aux Skippers dans les jours à venir. Ça, je n'allais pas le dire, mais je viens de dévoiler un grand secret puisque vous êtes privilégiés, vous êtes des nobles, la noblesse. Alors, pour entrer voilà, dans l'ambiance, écoute ça. Il va nous jouer. Vas-y. Hein? Ça commence comme ça et après ça remonte de volume. La chanson s'intitule Maillé. Écoute ça. Votre avec le groupe Exode à Bujumbura. Ça sera au Skippers. Nous aurons le temps de le dire et de recopier. Reçois l'adoration. Vous vous souvenez de la superbe chanson qui a servi. Écoute ça. On remonte de volume et de vitesse. La sauce est sous la sauce qui se frotte à mon côté pour carnaval au Brésil. C'est bien lui. Fortran. Qui va commencer cette tranche musicale que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans la radio Isanganiro. Une radio que d'autres radios écoutent. Écoute ça. On y va. Kizikigugu churundi subizi mwata mukubati uyu mama Ciao Burundi, io mi chiamo Valeria, per gli amici Mumu. Je m'appelle Valeria pour les amis Mumu. Je suis italienne, je viens de Naples, mais ma deuxième maison c'est ici, au Burundi. Et ma troisième c'est la radio Isanganiro. J'écoute toujours la transmission salsa de Christian Xavier, elle est super. Ciao, bisous. Oh, Aisha, oui maman, how you? Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout et pour toi. Ntebouti, s'il te plaît, reprends la chanson. Voilà, ça c'est Aïcha version salsa. Elle dit. Comme si Aïcha, je n'existais pas. Il faut écouter la radio Isanganiro. Aïcha, version salsa. Tout le monde, tout le monde africano. Que la température s'ouvre. On y va tout le monde. Je n'existais pas. Elle a fait quoi? Elle est passée à côté de moi sans regard, reine de Saba. J'ai dit quoi? Comme si je n'existais pas. Elle a fait quoi? Elle est passée à côté de moi. Sans même un regard. Sans un regard, reine de Saba. Et j'ai dit quoi? J'ai dit Aïcha, prends tout et pour toi. Ah! Voici quoi? Les perles bijoux. Aussi autour de ton cou. Les prends ma vie, Aïcha. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Si tu m'aimes, tu prends ma vie. J'irai où ton souffle nous mène. Ah ah, Ntebouti. Dans les pays. Est-ce qu'un jour tu as dit à ton autre qui t'aime, tu prends ma vie, ma chérie? Tu l'as dit? Tu pourrais jamais. Rien n'est trop beau pour une si belle. Oh, Aïcha. Écoute-moi, Aïcha. Regarde-moi, Aïcha. Regarde-moi. T'en vas pas, Aïcha. Reste branché à la radio Isanganiro. Regarde-moi. Tu as de belles yeux, Aïcha. Réponds-moi. Réponds-moi, Aïcha, t'en vas pas. Je dirai les mots des poèmes. Je jouerai les musiques du ciel. Je prendrai les rayons du soleil. Pour faire quoi? Pour éclairer tes yeux de rêve. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Listen to me, Aïcha. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas, Aïcha. Restez branché. Et la plus gardée de tes présents. Moi je vaux mieux que tout ça. pour chaque jour. Moi je n'ai que rêvé de l'amour. Tout le monde, tout le monde. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Que la température s'ouvre la température. Aïcha, oui, ma. A qui est-ce? Aïcha, Aïcha, listen to me. La radio San Aniro. Aïcha, Aïcha, non mais de Hema. Aïcha, Aïcha, Aïcha, Kayou, Yuma. Aïcha, Aïcha, Aïcha, wow. Grupo africano. Listen to me, Aïcha. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Aïcha, Aïcha, Aïcha, Aïcha. Regarde-moi, Aïcha. Aïcha, Aïcha. Voilà, Mitebouti, on va parler, on va donner quelques informations sur ce groupe Africando. Sachez que Africando est un groupe de salsa, comme vous l'avez entendu, qui est né en 1993, de la rencontre de deux mélomanes. Il s'agit du Sénégalais Ibrahim Massila et le Malien Bonkana Maïga qui ont souhaité faire revivre les rythmes afro-cubains éclipsés dans les années 1980 par le soul, le funk et d'autres rythmes. Voilà la première information. La question, quand est né ce groupe? Retenez que c'est en 1993 par deux grands mélomanes, des figures emblématiques de deux pays de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Sénégalais Ibrahim Massila et du Malien Bonkana Maïga. Voilà, leur souhait était de faire revivre les rythmes afro-cubains, voilà, qui étaient éclipsés, qui étaient remplacés juste en 1980, par des rythmes comme le soul, le funk et d'autres rythmes. Voilà, ça c'est la première information. La première information, comme on dit en français. On écoute la seconda musica. Voilà, on y va. On va y aller. Bye. do mangue dore ti jember tara sono pe mangue. Voilà, je le disais que ce groupe est d'origine beaucoup plus sénégalaise. Il s'agit de genre musical. Donc, on vous présente l'Africando, le groupe que vous entrez de suivre. Genre musical, c'est bien sûr la salsa. A commencé en 1993, comme je le disais. Avec les membres du groupe comme Amadou Balaké, Amadou Mandé et Amadou Traoré. Et comme les anciens membres étaient Papsek, Nicolas Menen, Gronas Pedro, Ronnie Barro et Amadou Balaké. Ah oui, comme je le disais, l'Africande est un groupe de salsa né en 1993 de la rencontre de mélomanes qui est le Sénégalais Ibrahim Sylla, principal producteur de toute la musique ouest-africaine, fondateur de label Sylla, mentor de Salif Keita, Ismaïlo, Alpha Blondy, Babanal, entre autres, et le Malien Bonkana Maïga. Donc je le disais, le flûte qui est le flûtiste et arrangeur, ayant vécu et étudié au conservatoire de la Havane à Cuba de 1963 en 1973, puis qui a fait partie du groupe Malavilas de Mali, animé l'orchestre de la RTV à Abidjan avec Manu Dibango, et a participé à la tournée africaine des Fania All Stars qui ont souhaité faire revivre les rythmes afro-cubains éclipsés, comme je le disais, des années 1980 par le soul, le funk, le rock, etc. Et dans ce groupe, il y a Amadou Balaké. Le groupe, dans sa première formation, mis en valeur le trio vocal 100% sénégalais. Il s'agit de Medoune Diallo, de l'orchestre Baobab, et Nicolas Menem, qui est ex-Super Étoile de Dakar, le groupe de Youssoundou. Il s'agit également de Papsek, qui est ex-star bande de Dakar, qui a signé la moitié de la composition. Deux premiers albums, ça veut dire le Travador, sorti en 1993, et le Sabador, 1994, associent les langues mandingue, peul, serène et wolof, au répertoire cubain de Benny More, Noro Mores, Miguel Materos, mexicain et portoricain, magnifié par une section cuivre de la salsa de New York. Alors, les deux albums suivants, qui est Gombo Salsa et Baloba, accueillent entre autres Taboulay, Rochero, qu'il connaissait, qui a été de l'autre côté de la rivière Roussizi ou du lac Tanganyika, c'est la RDC. Donc Rochero, Taboulay, et le Guinéen Sekouba Bambino, le Haïtien Eugène Sabou du groupe qu'on appelle Komba Tabou Kombo, et le Béninois Gonas Pedro, qui fut dans son pays le grand pionnier de l'afro-cubain avec son combo. Le Panchos de Cotonou est décédé le vendredi le 12 août 2004. Tout à l'heure, on va parler de la discothèque. Voilà. Qu'ils avaient l'habitude d'écouter dans les radios africaines, antillaises et européennes. Voilà, l'Africain est le groupe phare de la musique afro-cubaine, porté par Ibrahim Asila, comme on le disait, Bonkana Maïga, et le noyau dur de musiciens d'exception, n'a cessé de mettre en valeur les liens entre les rythmes d'Afrique et ceux de Cuba. Vous pouvez comprendre par cette chanson bien choisie pour vous, il y a du rythme, il y a également du son et de la mélodie, un mélange africain et cubain. Donc ce groupe africain est né à Dakar sous l'impulsion du producteur sénégalais Ibrahim Sila et du flûtiste arrangé malien Bonkana Maïga, principal groupe afro-salsa d'Afrique de l'Ouest. Africain reflète avec brio l'histoire d'amour qui lie le son, le borero, le guaracha et le cumbia, la cumbia plutôt, au rythme d'Afrique. Donc les chanteurs étaient des vedettes depuis toujours, dès les années 1930 déjà, des marins cubains rapportent par la mer des rythmes partis lors des indépendances. Bon, c'est au début des années 1960 bien sûr. Les capitales africaines vibrent au son des disques cubains et portoricains. À cette époque, à Dakar, des groupes afro-cubains paluent. Mais ils n'enregistrent pas. Les formations locales comme le Star Band jouent dans les clubs. Il s'agit d'Ibrahim Sila, le jeune passionné de la musique cubaine, possède des milliers de disques et décide d'enregistrer pour la première fois un groupe sénégalais versé dans la salsa, le bop-bap. Dans les années suivantes, Ibrahim Sila devient un des plus grands producteurs d'Afrique de l'Ouest. Côté Mali, plusieurs jeunes musiciens partent étudier au conservatoire de la Havane. Bonkana Maïga, et de cela, il a vécu et étudié à la Havane depuis 1963 à 1973. Il apprend les mélodies et arrangements. Son groupe de Maravilla de Mali s'impose à Cuba avant de triompher au Mali. Il crée l'orchestre de la radio Côte d'Ivoire d'Abidjan et participe à la tournée africaine des Fania All-Star Combo Mythique de la salsa de New York, bien sûr. Au début des années 90, Ibrahim Sila et Bonkana Maïga, devenus des personnalités incontournables de la musique cubaine, décident de mettre sur pied la splendeur afro-cubaine. Ils enregistrent un album à New York initialement. Le groupe s'articule autour d'un trio vocal 100% sénégalais. Medone Diallo, Pape Seke et Nicolas Mené chacun contribue activement à l'épanouissement du style afro-cubain dans les années 1970. La chanson s'intitule « Mi Café ». Tengo amor. Moriento café, moriento café, moriento café. Ça, c'est l'une des chansons qui a fait hit en Afrique de l'Ouest, spécialement. Moriento café. Debussy, tu as écouté ce contrebasse? C'est pas la basse, ce qu'on appelle le contrebasse. Ça se joue comme ça. Ça, ce qu'on appelle contrebasse. C'est pas la basse qu'on joue. Mais c'est une sorte de guitare qu'on ne peut pas soulever, qui est mise par terre et qui possède rien que, je crois, 4 cordes. 4 cordes. 4. Hein? Et on la prend comme ça. J'ai pas encore vu au Burundi. Il y a pas de contrebasse. La chanson s'intitule Moriente Café. On écoute. Ciao Burundi, io mi chiamo Valeria, per gli amici Mumu. Je m'appelle Valeria pour les amis Mumu. Je suis italienne, je viens de Naples, mais ma deuxième maison c'est ici, au Burundi. Et ma troisième c'est la radio Isanganiro. J'écoute toujours la transmission salsa de Christian Xavier, elle est super. Ciao, bisous. Ça, Mas es una sos disfruta mucho tipo carnaval au Brasil. Todo el mundo escucha la émission, je vais hacer ça. Voilà, vous êtes branchés sur la meilleure des stations. C'est bien la radio Sanganello. Vous ne trouverez nulle part ailleurs de belles mélodies, de bons rythmes et d'aussi belles émissions, bien sûr, que la radio Sanganello. Tout à l'heure, on parlait bien sûr de ce groupe africain, de un des meilleurs clubs groupes d'Afrique. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre information? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas suffisant pour les débutants? C'est suffisant? Il faudra laisser les gens écouter le son. Voilà, la discothèque, tu nous donnes une autre chanson qui va suivre. On va écouter si on va reconnaître l'une ou l'autre mélodie. La chanson. Non, tu mets l'autre avant la bamba. Qui c'est qui va suivre? Le répertoire est là. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Écoute ça! Voilà, est-ce que vous vous êtes levé pour danser? Hein? Je ne sais pas si cette mélodie se trouve dans l'album Viva Africando, qui est sorti juste après 4 années de discrétion totale. Ce groupe a réapparu des années 2013. Cette fois, c'est à Paris que les musiciens se sont retrouvés en raison des troubles qui ont agité le Mali en 1912. Moncala Meiga a toujours changé des arrangements. N'a été autorisé à se rendre aux États-Unis. Escucha. Lala, voilà, vous pouvez commencer à faire vos dédicaces sur son numéro 76-209-140. Voilà, 76-209-140. Et vous dites, je suis tel. Je m'appelle tel, je suis à tel endroit. Et je voudrais dédier cette belle mélodie à telle personne ou à tel groupe de personnes. Et par SMS ou le WhatsApp. Baila la lamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, piripa y arriba, y arriba, y arriba, ahí arriba, y arriba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré. Todo el mundo. Baila la y la bamba necesita una poca de gracia. Ajá. Papá baila bamba. La lamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia para arriba y arriba y arriba y arriba. Yo no soy marinero. Haminata. 76-209-140. SMS, WhatsApp. Et je dédie la chanson à telle personne. Papa la la bamba, bye bye la bamba, papa la la la bamba, pom pom pom pom, pom pom pom pom, pom pom pom pom, pom pom pom pom. Voilà. On écoute une chanson qui va suivre pour le plaisir, pour ceux qui aiment bien sûr écouter et danser avec nous. Et on attend vos dédicaces. Je veux voir s'il y a quelqu'un qui a écrit un SMS sur le WhatsApp. Mopao. Nalingio. Vous savez, Mtebouti. Mopao, tu connais? Est-ce que tu ne reconnais pas cette voix? Écoute ça. Ça, c'est le grand Mopao. C'est Koffi Olomide. Koffi Olomide a joué avec ce groupe Africano. Hein? Donc de l'Afrique de l'Ouest. Et vous savez très bien que le 30 juin et le 1er juillet, le grand Mopao, Koffi Olomide, sera dans nos murs. Ce sera Bujumbura. À ne pas rater, sûr, ça va chauffer sur Bujumbura. Donc tu remets la totalité de cette belle mélodie pour le plaisir de ceux qui aiment écouter le grand Mopao. Koffi Olomide de l'Afrique de l'Ouest, avec le groupe de l'Afrique de l'Ouest, lui de la RDC. Africano et Porto Rico. Alingi yo pesi yo motema nanga kotala nga pamba te mwana mwasi oyo pe manange koti boroko ya bolingo babanzo bandoto pasie bipi ya yaka na koberela yo bazwani na matinda banyokola ngai mingi yo pe lisusu soki osali nga boye nakozonga mboka na bosa na moso bolingo etikelo kote na memoire nanga nasalata boye. Manga, Otaranga, Pamate, Mana Mossi, Oyo, Emanange, Coti, Boroko, Yamulingo, Pandoto, Mabazo, Pansi, Anzoto, Mopao, Yakana, Kobere, Layo, Yo, Perisu, Susaki, Osaringa, Buye, Bolingo, Etike, Loko, Tena, Memoire, Nanga, Nasalata, Buye. Kokenera kokenera kozonga mboka oyo babotanga pona miminga mbo yakolinga mopao yakolinga bibia oh. Mopao mopao nalingiyo mopao mopao mopao tegelo si fais-nous oublier les couvre-feux, les maladies et tous les problèmes. Ouais. Ça va aller, ça va aller. Aïe, satongo satu kobina e Africa no ba mama kobina Porto Rico, Gustave du quartier asiatique dédie la chanson à tout ce monde qui aime écouter cette tranche musicale que vous nous trouverez à la Radio Sagadilo. Également à tout le groupe La Noblesse, à tous les danseurs de par le monde. C'est Gustave depuis Asiatique. 76 209 140 SNS pour le dédicace pour bien clore cette tranche musicale que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Caladi, Sagadilo, bien sûr, Christian Savier pour assurer la mise en plutôt. C'est Bité Boutique qui assure la mise en nom de Christian Savier pour la présentation, comme on l'a coutumé, de cette tranche. De l'Isanganilo, spécial salsa. Escucha. Oui, c'est bien sûr Leonardo Mukike qui dédie cette chanson à tout son monde qui est en train d'écouter l'émission spéciale Salsa. Merci Leonardo Mukike. Que la température souple pour tous ces gens qui se trouvent à Mukike. Vous continuez à danser la salsa. On va implanter un club dans Salsa à Mukike. Tu crois que c'est faisable, Mtevoti? Si on va à Mukike, on va voir un club dans Salsa. Les gens vont laisser les vaches pour venir danser la salsa. Oui, ils vont le faire. Paso solo en el patio pensando en mi condena. y ruego al cielo me tenga compasión, se apiade de mi vida y de todos los penados. Y ruego al cielo me tenga compasión, se apiade de mi vida y de todos los penados. Quiero mi libertad. Avec une chanson où on entend beaucoup de Jessima, le Carlos Santana. Escucho. Mi corazón respirando. Que la temperatura sube. La temperatura. Aquí está Carlos Santana. Hasta la victoria, siempre patria o muerte, su destino. El comandante en jefe Ernesto Guevara de la CNR. Carlos Santana sur le solo. Mi corazón es pando. Como me duele el olvido. Ajá. Como duele el corazón. On va écouter la chanson qui va suivre. Parce que le temps file. Ah! Ça, je connais les gens qui connaissent ça. Qui ont joué à Bujumbura pour faire ce qu'on appelle le check sound. Écoutez, si les instruments sont bien accordés. Pour bien clore la chanson, ça c'est la dernière chanson. Anthony, Marc Anthony. Tout le monde. Para limpiar las heridas. bogotá puede vencer las sequías y para qué llorar para qué si duele una pena servida y para qué sufrir para qué si así es la vida y servida la la yeah. Marco Antonio. Voy a bailar, vivir mi vida, la la la la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la la la la. ¡Mi gente! Momento para entender el destino, voy a escuchar el silencio para encontrar el camino y para qué llorar, para qué ser más de una pena, servirá y para qué. La temperatura sube. Escucho. Come on, come on, come on. Voy a reír. ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Empieza a soñar. Que la temperatura sube. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la la la la. Ajá. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. Adi, ala, la la la. Ciao Burundi. Ciao Burundi, io mi chiamo Valeria, per gli amici Mumu. Je m'appelle Valeria, pour les amis Mumu. Naples, Napoli. Je suis italien, je viens de Naples, mais ma deuxième maison c'est ici, si, au Burundi. Et ma troisième c'est la radio Isanganiro. Bien sûr. J'écoute toujours la transmission salsa de Christian Xavier, elle est super. Ciao, bisous. Ciao, bisous Mumu. Mua, mua, mua. À la semaine prochaine. Mua. Ciao. Tu réagis? Bye bye. La salsa c'est très bon. Sentir dans le cœur, ça devient mouvement partout le corps. La salsa c'est très bon. Sentir dans le cœur, ça devient mouvement partout le corps. Je pense qu'il y a aussi quelque chose des Africains. La salsa est un rythme contagieux que lo disfruta tout le monde, para bailar, para gozar. Dans la salsa, il y a été mélangé beaucoup de rythmes, le merengue, son, il y a tout ça qui devient la salsa. La samba, le merengue, el son, el flamenco. Se disfruta mucho en grupo, carnaval. Tipo los carnavales de Brasil, Cuba. Tú empiezas a bailar desde las 8 de la mañana hasta el otro día a las 8 de la mañana. Continúa tomando, festejando con tus amigos, con tu esposa, con tus amistades queridas. Se disfruta mucho. La orquesta que usted ve, Pablito, FG, Ramita, Social Club, Omar Portuondo, Compay Segundo, Presidente Mondo.